la yasma'una benana ta fiha kandar aljanna ton lawan beure wala kizaba wana fena mana ka aljanna ton ton ko kongudi muddudi tun kongudi fiwudi tun benanta ton benanta ton ko wonde beure benanta ton ko wonde fena hey.